Acte 4. Scène première. La crypte des anciens rois de Pologne dans la cathédrale de Varsovie. Où donc est ce trésor? Aucune dalle de Sonnecreux. J'ai pourtant bien compté 13 pierres après le tombeau de Ladislas le Grand en allant le long du mur. Et il n'y a rien. Il faut qu'on m'ait trompé. Voilà cependant... Ici, la pierre Sonnecreux. À l'œuvre, Mère Ubu. Courage, descendons cette pierre. Elle tient bon. Prenons ce bout de croix finance qui fera encore son office. Voilà. Voilà l'or au milieu des ossements des rois. Dans notre sac, alors. Tout. Quel est ce bruit? Dans ces vieilles voûtes, y aurait-il encore des vivants? Non, ce n'est rien. Hâtons-nous. Prenons tout. Cet argent sera mieux à la face du jour qu'au milieu des tombeaux des anciens princes. Remettons la pierre. Et quoi? Toujours ce bruit? Ma présence en ces lieux me cause une étrange frayeur. Je prendrai le reste de cet or une autre fois. Je reviendrai demain. Jamais, Mère Ubu. La Mère Ubu se sauve affolée, emportant l'or volé par la porte secrète.